Ça bien. Crions notre joie. Il est minuit. Je proclame solennellement que le Tchad est indépendant et souverain. Et le 14 août, avec à ses côtés l'abbé Fulbert Youlou, qui sera le premier président du Congo indépendant, c'est André Malraux qui lit à Brazzaville le discours du général de Gaulle.